Romagnanga. Innocent et Onimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le parti Rana qui trouve que le Burundi doit améliorer les relations diplomatiques avec l'extérieur pour se procurer des devises et revenir à l'ancien système éducatif. Car pour ce parti, le système actuel a fait régresser la qualité de l'enseignement. Ce sont certaines des priorités proposées par le président de ce parti ce dimanche lors d'une conférence avec les fidèles, y compris ceux qui vont se faire élire au cours des prochaines législatives. L'administration provinciale de Kirundo dit être à l'œuvre pour combattre le travail des filles domestiques d'au moins de 18 ans dans cette province. Déclaration du chef de cabinet du gouverneur de la province de Kirundo. Vous aurez les détails dans le reportage de Jean Dodieu Irakoze. Les 10 chansons en compétition pour Isanganiro Award sont déjà connues. Annonce du président de la commission d'organisation de cette compétition. Précisant qu'une nouvelle étape a été franchie, permettant aux amateurs de musique de voter pour la meilleure chanson via leur téléphone mobile. Et la chronique sportive de ce lundi portait sur les défis qui hantent la compétition de cyclisme Burundi. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page politique et le parti Rana qui trouve que le Burundi doit améliorer les relations diplomatiques avec l'extérieur pour se procurer des devises, revenir à l'ancien système éducatif car pour ce parti, le système actuel a fait régresser la qualité de l'enseignement. Ce sont certaines des priorités proposées par le président de ce parti ce dimanche lors d'une conférence avec ses fidèles, y compris ceux qui vont se faire élire au cours des prochaines législatives. Aloïse Marichako appelle les responsables des partis politiques de mener leur prochaine campagne sans ternir l'image de l'autre, afin de garder un climat apaisé pendant cette période civile. Dans l'agriculture, changer les méthodes agricoles qu'on utilise aujourd'hui, pratiquer une agriculture mécanisée, c'est-à-dire une agriculture moderne. Aussi, faire la spécialisation des cultures dans les différentes provinces. Quelle est la culture qui pousse bien dans cette région, qui produit beaucoup? Par exemple, dans la plaine de Limbo, si vous dites aux gens de Chibitoki de cultiver des mangues, ils vont produire beaucoup. Vous voyez que maintenant notre système éducatif est vraiment bafoué pour tourner dans ce système. Dans ce système, pourquoi? Moi, je pense que la chose la plus importante que les Blancs nous avaient laissée, c'était l'éducation. Parce que quand un Burundais allait à l'extérieur, il réussissait toujours. Mais peut-être qu'ils ont vu que nous sommes brillants et qu'ils ont voulu nous amener l'école fondamentale. Nous sommes contre l'école fondamentale. Refaire les campus pour que les étudiants logent dans le campus, mangent dans le campus et on va établir la bourse aux étudiants. Pas pré-bourse, mais la vraie bourse. Il faut, dans la première année de l'université en médecine, il faut commencer avec plusieurs lauréats pour qu'à la fin, on puisse avoir beaucoup qui terminent l'université. Seulement, il faut insister sur les enseignants. Les enseignants doivent être rigoureux pour nous produire de vrais médecins. Si on produit 500 médecins cette année et que 100 partent à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Pour nous, quand un médecin part à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Parce que c'est notre citoyen, c'est un citoyen burundais. De toute façon, il ne va pas oublier le Burundi, il va revenir au Burundi. Mais il faut qu'il y ait ceux qui partent, ceux qui restent. L'administration provinciale de Kirundo dit être à l'œuvre pour combattre le travail des filles domestiques de moins de 18 ans dans cette province. Déclaration du chef de cabinet du gouverneur de la province Kirundo, Eric Ndouayezu. Au moment où cette pratique s'observe dans la commune province Kirundo, le point focal de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance dans la commune Kirundo, Lucie Niranyibagila souligne que cette organisation de défense des droits de l'enfant avec le soutien de l'UNICEF intervient dans la réintégration scolaire des enfants touchés par ce phénomène. Peut-être t'es avec Jean de Zuyrakot. C'est une fille de 10 ans n'ayant jamais fréquenté l'école rencontrée au marché de Kirundo où elle effectuait des achats pour le compte de son employeur. Elle révèle qu'elle exerce toutes les activités ménagères, mais que son salaire mensuel est touché par ses parents. Je me lève très tôt le matin, je torchonne et fais la vaisselle. Même son de cloche pour ces jeunes filles, l'une ayant abandonné l'école pour cause de maladie et l'autre qui n'a jamais été sur le banc de l'école âgée respectivement de 13 ans et 17 ans, rencontrée au robinet public alimentant Trois Collines, Nyang et Ushaza, Rambo et Kanyinya pour puiser de l'eau. À la différence, ce sont elles qui perçoivent leur salaire. Je garde l'enfant, je prépare le repas et je torchonne. Quand je tombe malade, on me fait soigner. Je torchonne, lave les habits et fais la vaisselle. Je repasse les habits de serre. Je n'ai pas de soucis. Ma vie est belle. Une patronne rencontrée semble laisser entendre qu'elle est l'élève à la place du travailleur, alors qu'elle avoue qu'ils ne se sont pas convenus avec ses parents sur la nature du travail à faire. Je ne prétends pas avoir un travailleur, car c'est un enfant comme vous l'avez constaté. Pour puiser de l'eau, je lui donne un bidon de 15 litres. On s'entraide. Lorsque je l'ai fait venir, j'ai précisé uniquement que je serai son parent. Cependant, pour certains voisins des domestiques, leur traitement suscite quelquefois une indignation. Cette femme dit avoir vu de telles filles subir des travaux qui exigent une force qu'elles n'ont pas. Dans l'entourage, je me suis révoltée contre le traitement d'un enfant à qui on faisait porter un bidon rempli d'eau. J'ai demandé qui était son recruteur. En outre, j'ai demandé aux voisins si elle l'avait fait de gré. Ils m'ont répondu qu'elle devait le faire et qu'elle était payée pour ça. Cela m'a beaucoup touchée. Si je savais son domicile, j'aurais pu la retourner. Face à cette pratique d'employer les filles adolescentes, Léonard Bourhindia, représentant de la Fédération nationale des travailleurs du transport, du social et de l'informel FNTT-SI, en province Kirundo, appelle les pouvoirs publics à doser les sanctions en vue de décourager ce phénomène. Ce que je peux recommander aux autorités administratives de notre pays, c'est que cette question soit toujours à la page, que ces autorités soient sévères envers, premièrement, les parents qui ne sont pas responsables, et envers les patrons-patronnes qui veulent engager ces enfants de moins de 18 ans pour que ces enfants qui se sont déjà engagés dans ce travail domestique à moins de 18 ans puissent rentrer dans le ménage et faire une barrière à d'autres qui veulent faire la même chose. L'administration de la province Kirundo dit être à l'œuvre pour éradiquer cette pratique. Eric Ndouayezu, chef de cabinet du gouverneur de la province Kirundo, reconnaît qu'il s'agit d'un combat difficile et appelle à une synergie d'action. Ce n'est pas à nous seuls, l'autorité administrative, mais aussi les médias, les radios, les télévisions. Il faut aussi nous aider, c'est une nouvelle. Vous et nous avons le devoir de publier le plus vite possible, mais aussi autant de fois que possible, qu'il est strictement interdit d'accorder un emploi à ces jeunes avant 18 ans. Lucie Niranyibagira, point focal de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, dans la commune de Kirundo, qualifie cette pratique de traite moderne. Elle indique que la FENADEB, avec le soutien de l'UNICEF, accompagne les enfants touchés par cette pratique en matière de réintégration scolaire. Après avoir connu son identification, sa destination et le moyen emprunté pour y arriver, car l'UACAQ, on se charge des tickets de transport et d'autres qui font escale. Nous les transmettons au niveau de la FENADEB ou traitons le cas sur place en collaboration avec le CDFC et l'administration. Si le cas concerne le retour de l'enfant à la maison, on paye le ticket de transport et s'il s'agit de la réintégration réintégration scolaire. La FENADEB, avec l'appui de l'UNICEF, s'en charge. Elle met à la disposition de l'enfant concerné le CUT scolaire et d'autres besoins en la matière. Le chef de cabinet du gouverneur de la province de Kirundo, Eric Ndouayezo, rappelle qu'employer un enfant de moins de 16 ans est un délit sanctionné par la loi burundaise. Restons toujours au nord du pays, cette fois-ci à Ngozi, où les familles des enfants qui ont subi des maladies liées à la malnutrition sur la colline Mushiti, commune Mumba, province Ngozi, saluent l'existence des programmes de lutte contre ces maladies qui est intervenu dans la prise en charge de leurs enfants. Certains membres de ces familles qui se sont entretenus avec Sanganiro indiquent avoir été sensibilisés sur l'alimentation équilibrée pour protéger leurs enfants contre la malnutrition. Désiré Hakizimana, coordinateur de ce projet exécuté dans les provinces d'Ngozi, Kayanza et Muyinga, signale que plus de 50 000 enfants ont été assistés depuis 2021, une information que nous devons à Omer Noyo. Certains parents et sœurs se disent satisfaits de l'état de leurs enfants qui auparavant souffraient des maladies liées à la malnutrition. Ils ne mangent pas toutes les sortes d'aliments. Lorsqu'on met le riz, le haricot et les légumes sur la table, lui ne consomme que le riz et laisse ses autres aliments. À 6 mois, lorsqu'il commence à manger, je lui donne la bouillie, mais il refuse. Lorsque je lui prépare un repas composé de légumineuses, il ne le prend pas, préférant plutôt le riz ou banane tout sec. Sa peau change de forme, ses cheveux changent de couleur. Lorsque la maman lumière le met sur le régime alimentaire, voilà, il est revenu à la normale. Tade Buchumi, chef de colline Mushiti, estime que parmi les causes de la malnutrition figure la pauvreté dans les ménages qui provoque le manque d'alimentation équilibrée. Certains ne trouvent pas une alimentation équilibrée suite à la pauvreté dans les ménages. D'autres ne sont pas au courant de cette alimentation. Ceux-ci ne savent pas quoi préparer, quoi laisser. Nous sensibilisons la population de toujours se familiariser à un régime alimentaire équilibré pour leur bien-être. Le mélange des aliments de différentes natures et la stratégie utilisée par les agents chargés de prendre en charge les enfants en situation de malnutrition. Espérance Sinzinghayo est l'une de ces mamans appelée Maman Lumière. La formule est de mélanger différents aliments collectés par les familles des enfants en situation de malnutrition. Ce mélange doit être à moitié solide et à moitié mouillé, ce qui ne permet pas à l'enfant de faire du choix lors du manger. Ce centre prend en charge 12 enfants dans la période de 12 jours. Pour connaître l'état de santé de l'enfant, on compare son poids à son âge. S'il n'y a pas de proportionnalité, l'enfant est malade, indique Désiré Akizimana, coordinateur du projet de lutte contre la malnutrition à la Fondation STAM, qui collabore avec l'UNICEF en province Ngozi, Kayanza et Muyinga. Dans le cadre de lutte contre la malnutrition, en partenariat avec l'UNICEF, nous faisons le suivi et surveillance de la malnutrition à des niveaux. En général, c'est pour les enfants de 6 à 59 mois. Mais on fait un suivi mensuel pour les enfants de 6 à 23 mois et un suivi trimestriel pour les enfants de 24 à 59 mois. Dans le suivi de croissance et promotion de croissance, on fait la prise de poids qu'on va comparer avec l'âge de l'enfant et on trace une courbe de croissance qui va nous montrer que l'enfant a une bonne croissance ou une mauvaise croissance. On fait des sensibilisations sur l'éducation nutritionnelle, l'hygiène, les habitudes alimentaires et aussi on intègre les femmes enceintes et allaitantes dans les groupes d'épargne et crédit dans l'objectif de promouvoir la résilience contre la malnutrition, là où les mamans vont bénéficier des microcrédits solidaires qui vont les aider à se procurer aux aliments qu'ils ne trouvent pas facilement chez eux d'origine protéinique comme les poissons, l'élevage des poules qui va procurer des œufs pour les enfants. On peut estimer à plus de 30 000 enfants encadrés dans les sessions de surveillance et promotion de croissance, 30 000 enfants de moins de 10 ans et plus de 40 000 enfants de plus de 10 ans. Se référant sur les enquêtes faites en Ngozi, ce coordinateur du projet tranquillise que la prévalence de la malnutrition et rassure que la malnutrition sera maîtrisée petit à petit en Ngozi. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Les cas d'empoisonnement et des soi-disant exorcistes qui confirment être capables de révéler où sont cachés les fétiches sont devenus un fléau dans la province de Bururi et dans tout le pays. Cela peut emporter des vies humaines, ruines et engendre une mauvaise cohabitation dans les communautés. Cela a été dit ce dimanche à la cathédrale Marie-Reine de Bururi par l'évêque du diocèse catholique de Bururi. Monseigneur Salvatore Nicitereze appelle les fidèles de cette église et les autorités administratives à travailler en synergie pour éradiquer ces mauvaises pratiques. L'information que nous devons à notre correspondant de Bururi, Zeno Nzambimana. L'évêque du diocèse catholique de Bururi a fait savoir qu'un autre fléau des cas d'empoisonnement est signalé non seulement dans la province de Bururi, mais dans tout le pays. Il donne l'exemple de plus de 10 séminaristes du grand séminaire d'Okigama qui ont dernièrement risqué la mort suite au poison qu'ils avaient consommé pendant leurs vacances. Ils ne sont pas les seules victimes d'empoisonnement aujourd'hui, mais les prêtres, les cadres et d'autres personnes, dont les pauvres, en sont également victimes, selon Monseigneur Salvatore Nicitereze. Il ajoute que les cas des soi-disant exorcistes, qui confirment être capables de révéler là où sont cachés les fétiches dans les ménages, est aussi à décourager, car selon lui, les étrangers qui le font ne cherchent que gagner plus de 2 millions de francs burundais qui sont collectés par les habitants de la localité ciblée. Parmi les conséquences de toutes ces pratiques figure la perte des vies des personnes empoisonnées quand elles ne sont pas suffisamment soignées. Tous ces cas ruinent les familles victimes de ces pratiques, sans oublier que cela entraîne une mauvaise cohabitation dans les communautés, a souligné Monseigneur Sabatoni Chiterese. Il appelle les fidèles de cette église à respecter la vie de la personne humaine et à travailler en synergie avec l'administration pour dénoncer les auteurs et ainsi éradiquer ces mauvaises pratiques. Monseigneur Sabatoni Chiterese l'a annoncé ce dimanche dans son discours à la cathédrale Marie-Reine de Bururi avant de clore la première et la deuxième messe qu'il présidait. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. La lecture des livres permet aux élèves lecteurs de relever le niveau du français et par conséquent améliorer le rendement scolaire. Propos des élèves qui ont gagné ce samedi le concours Soma Wige qui a été organisé par le club RFI, le concours qui a réuni les élèves des provinces Ngozi et Kayanza. Prosper Ndaïra Guigé, coordinateur de projet, appelle les enseignants à donner aux élèves des activités de lecture, surtout que beaucoup d'élèves n'ont pas d'engouement pour la lecture ces jours-ci. Une information que nous devons à notre confrère Patrick Nsingiumf. Le concours Soma Wige dans lequel ont participé les élèves lecteurs des provinces Kayanza et Ngozi a été organisé dans le cadre de la célébration de la francophonie et la langue française, selon les responsables du club RFI. Ce samedi, 9 élèves qui ont réussi le concours dans leurs provinces, dont Kayanza et Ngozi, se sont rencontrés à Ngozi dans la finale régionale pour sélectionner deux meilleurs candidats qui iront dans la finale nationale. Prosper Ndaïla Guigé, coordinateur du projet Soma Wige au sein du club RFI, indique que l'objectif du concours est d'éveiller l'engouement pour la lecture chez les élèves, expliquant que les élèves d'aujourd'hui n'aiment pas lire, d'où la baisse remarquable du niveau du français chez beaucoup d'entre eux. Le coordinateur du projet Soma Wige appelle les enseignants, surtout ceux des langues, à multiplier des travaux de lecture pour les élèves. Les élèves qui ont réussi le concours affirment que l'élève qui lit obtient de bons résultats en classe plus que ceux qui ne lisent pas et appellent d'autres élèves à aimer la lecture. Signalons que la finale du concours au niveau national est prévue au mois de mai d'après Prosper Ndaïra Guigé, coordinateur du projet. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de routes modernes qui peuvent abriter les compétitions de cyclisme et les vélos appropriés aux courses sont certains défis auxquels fait face la Fédération burundaise de cyclisme. Malgré cela, Bernard Nagumuka, président de la Fédération burundaise de cyclisme, fait savoir qu'au sein de la Fédération, il compte organiser pour la première fois les compétitions dans toutes les collines du pays et du fait que ces compétitions n'exigeaient pas des routes goudronnées et les vélos de course. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney, Nguyen Dakoumane. Lors de l'organisation du championnat national de cyclisme, le défi majeur qui s'observe est lié au manque de routes modernes appropriées pour habiliter les compétitions de cyclisme. Explication de Bernard Nagomouka, président de la Fédération burundaise de cyclisme. Dans l'organisation des championnats, surtout le championnat national, des contraintes ne manquent pas. Il y a quelques problèmes, surtout les contraintes basées sur les infrastructures et les équipements. Vous voyez comme le style route, c'est un style qui demande une route qui n'a pas de nid de poule, c'est-à-dire une nouvelle route. Alors, on doit circuler pour voir une route qui peut accueillir ce championnat. À cela s'ajoute l'insuffisance des vélos de course dans certains clubs. D'autres contraintes sont basées sur les vélos de course. Dans beaucoup de clubs, il y a très peu de vélos. Et même au sein de la fédération, on n'a pas beaucoup de vélos. Et on a un petit effectif de vélos qui sont réservés pour l'équipe nationale. Malgré cela, le président de la Fédération burundaise de cyclisme fait savoir qu'au sein de la fédération, il compte organiser le cyclisme de montagne, du fait que ce sport ne nécessite pas beaucoup de moyens. Nous comptons aussi mettre en avant d'autres styles qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Par exemple, le cyclisme de montagne, mountain bike, qui ne nécessite pas une route goudronnée, mais aussi ne nécessitant pas un vélo très cher. Bernard Nagomouka précise qu'il compte également initier un autre style de cyclisme appelé BMX, car la Fédération internationale de cyclisme a promis de diriger l'intérêt qui accueillera ce genre de compétition. Et aussi le style de BMX, c'est un style qui ne nécessite pas beaucoup. Et nous avons une promesse de la part de l'Union cycliste internationale de nous aider à mettre en place les infrastructures de ce style. Et aussi, le Comité national olympique nous a promis qu'au cas où l'Union cycliste internationale aura des moyens pour mettre en pratique cette promesse, on aura un terrain. Le Sénat va disponibiliser un terrain pour que ce style de jeu soit mise en place. Le président de la Fédération burundaise de cyclisme indique que l'autre objectif est de développer le cyclisme dans tous les angles en passant par la détection des talents de la jeunesse. Pour notre mandat, l'objectif est de développer le cyclisme dans tous les angles en passant par la détection des talents au niveau national afin que toute la jeunesse burundaise puisse être détectée pour qu'on puisse voir ceux qui ont le talent de conduire le vélo. Et ceux qui auront manifesté ce talent seront aidés à le développer afin d'en tirer profit. Et à cela, pour y réussir, on doit avoir des juges et commissaires de course qui peuvent aider dans ces championnats de détection des talents. Donc, à cela, nous devons développer aussi le capital humain, le commissaire de course de haut niveau, et les entraîneurs de haut niveau. Aussi, on espère développer les mécaniciens des vélos de course afin d'être bien outillés. Ce n'est pas facile parce que ces formations, nous sommes capables de les faire nous-mêmes, mais nous demandons des interventions à l'Union cycliste internationale, mais aussi à la Confédération africaine pour qu'ils nous aident à faire ces formations. Dans l'avenir, ils vont organiser la première édition du championnat national de paracyclisme, poursuit Bernard Nagomouka, le président de la Fédération burundaise de cyclisme. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Inosayo Nimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Bonne suite de nos programmes.